faire ma toilette, ma toilette de chat. Je prends la savonnette, je frotte sous les bras. Je nettoie ma frimousse, et ça fait de la mousse, comme la barbe à papa, mais qui ne se mange pas. Frotte encore, tout le corps. Encore un peu plus vite, encore un peu plus fort. Le matin, ça fait du bien, on se lave un peu, on se sent beaucoup mieux. Sur le front, sur les joues, il faut passer partout, et surtout ne pas oublier le petit bout du nez. En partant du nombril, remonter jusqu'aux cils, et faire attention pour les yeux, parfois ça pique un peu. Frotte encore, tout le corps. Encore un peu plus vite, encore un peu plus fort. Le matin, ça fait du bien, on se lave un peu, on se sent beaucoup mieux. Dans le creux des oreilles et dans les trous du nez, il y a toujours des choses bizarres qui vont se déposer. C'est pour ça que les mouchoirs ont été inventés, et les petits cotons pour bien les nettoyer. Frotte encore, tout le corps. Encore un peu plus vite, encore un peu plus fort. Le matin, ça fait du bien, on se lave un peu, on se sent beaucoup mieux. La toilette des pieds, ce n'est pas bien compliqué. C'est surtout entre les orteils qu'il faut bien insister. Et pour y arriver, j'ai trouvé la technique. Ça demande, il est vrai, un peu de gymnastique. Frotte encore, tout le corps. Encore un peu plus vite, encore un peu plus fort. Le matin, ça fait du bien. On se lave un peu, on se sent beaucoup mieux. J'ai encore les genoux, les cuisses et les mollets. Un petit coup dans le cou et ça sera parfait. Mais j'allais oublier le plus important. J'allais terminer sans me brosser les dents. Frotte encore, tout le corps. Encore un peu plus vite, encore un peu plus fort. Le matin, ça fait du bien. On se lave un peu, on se sent beaucoup mieux. Ainsi tous les matins, c'est dans la salle de bain que je viens me laver en sifflant ce refrain. Mais j'ai si bien frotté et si bien rigolé que sans faire attention, j'ai tout inondé. Frotte encore, tout le corps. Encore un peu plus vite, encore un peu plus fort. Le matin, ça fait du bien. On se lave un peu, on se sent beaucoup mieux. Frotte encore, tout le corps. Encore un peu plus vite, encore un peu plus fort.